speak to. Yo. Inspecteur Alex, fais-les vous sortez les dossiers, je vais en vous afficher, vous ramassez pas trop car j'ai vos papiers, donc faites attention à l'inspecteur Alex, car faut savoir que l'inspecteur Alex vous baise à l'aise. Inspecteur Alex, fais-les vous sortez les dossiers, je vais en vous afficher, vous ramassez pas trop car j'ai vos papiers, donc faites attention à l'inspecteur Alex, car faut savoir que l'inspecteur Alex vous baise à l'aise. Moi je suis ce mec qui fout les jeunes pour l'abus de succès, abus de sucette, et mademoiselle lassée, abus de sucette, et moi on me prend pas la tête, on me prend rien, à part les dames, pas les gars, c'est pas légal, car je fais rien à votre. Elle dégage, inspecteur, la bourdoie est dans les parades. J'ai fait le mec ghetto, mais je crois bien l'avoir vu dans les parades. Les tu sais graffé, mais j'ai cru, c'était des autocrasses. Mec trop crap, fais gaffe dans mon chargeur, j'ai trop de vannes, Nicodème blague. Mais arrête un peu de faire le mec au slow, tu me causes trop, mais avoue qu'au fond de toi, t'es une grosse flop, wesh la meuf. Viens, on vient, t'as failli tirer, Dimitri, il t'a écrit, Dimining, ma frappasse, qui se dit Dimitri. Moi je vous prends tous un parent en clash, bande de sauvages, quand je passe, sachez qu'au bout du compte, personne ne sauvera. Vincent, même quand tu veux fumer une instru, tu tousses, du coup, quand je lance un truc rapide. Tu cours.